Chapitre 7. La fin de la guerre contre les Raïs marque le début d'une nouvelle ère pour l'Empire. Nous sommes restés trop longtemps confinés à l'intérieur de nos frontières. L'heure est venue d'explorer le monde. Silafian, allocution lors d'un conseil d'Empire. Tout va bien, ils se sont retrouvés. Les paroles de Maître Duhaume furent suivies d'un cri de joie général. « Vous en êtes sûr ?» demanda tout de même Salim. Le vieil analyste sourit. « Je viens de recevoir le message d'un ami que je croyais ne plus jamais entendre. Altan, le père des Wilan et Akiro. Ils descendront tout à l'heure. Pour l'instant, ils ont envie de rester en famille. Bon sang que je suis heureux !» Il attrapa Siam et lui colla deux gros baisers sur les joues. Il empoigna ensuite Maniel qui souriait aux anges et se lança avec lui dans une gigue endiablée. Siam éclata d'un rire qui redoubla lorsque Bjorn saisit Salim et se mit à tournoyer en le tenant serré contre son cœur. Camille, Mathieu et leurs parents les rejoignirent alors que le soleil avait franchi une bonne partie de son trajet quotidien. Pendant un long moment, ce ne furent que cris de joie et embrassades. Puis Camille fit les présentations. « Duhaume est un vieux compagnon », précisa Altan en souriant. « Et nous connaissons Siam. » Elle était cependant beaucoup plus jeune la dernière fois que nous l'avons vue, et moins charmante, acheva-t-il en observant son fils. Celui-ci ne put s'empêcher de rougir un peu, mais le regard qu'il échangea avec la jeune frontalière en disait plus long que bien des paroles. « Voici Bjorn et Maniel, » commença Camille, « les plus valeureux amis que l'on puisse souhaiter avoir. Sans eux, rien n'aurait été possible. Ils sont courageux, loyaux, serviables. » Les deux soldats se dandinaient sur place, gênés par cette pluie de compliments inhabituels. Altan perçut leur trouble et leur donna l'accolade. « Merci pour tout ce que vous avez fait pour nos enfants et pour nous. » Bjorn balbutia une phrase guère intelligible, tandis que Maniel, rendu muet par l'émotion, se contentait de hocher la tête. « Et toi, tu es Salim. » Elicia s'était approchée du garçon qui se sentit aspiré par une vague d'émotions. La femme qui lui parlait avait les mêmes yeux que Camille, violets, immenses, lumineux. Elle était belle au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Et il y avait tant de douceur sur ses traits qu'il eut soudain envie de pleurer. « J'ai beaucoup entendu parler de toi, » continua-t-elle, « pendant ces années où mes rêves furent mon seul contact avec la réalité. Tu es telle que je l'espérais. Je suis heureuse que ma fille t'ait choisie. » Salim avala sa salive avec difficulté. Il n'arrivait pas à détacher son regard d'Elicia. Elle était tout ce qu'il n'avait jamais connu, tout ce à quoi il avait toujours aspiré. Il prit conscience qu'il était incapable de se rappeler le visage de sa propre mère, et cette découverte l'accabla un peu plus. Comme si elle avait lu en lui, Elicia passa la main sur sa joue. « Tu nous as maintenant. » Si les autres ne saisirent pas ce qu'elle disait, Salim, lui, comprit, et son avenir se para de couleurs chatoyantes. Dans la grotte, Camille avait évoqué pour ses parents la blessure d'Elana. Elle était persuadée que la dame l'avait sauvée, mais le besoin de s'en assurer était impérieux. Aussi pressa-t-elle ses compagnons afin qu'ils se mettent en route. « Il faut sortir de cette cuvette de crotte pour recommencer à dessiner !» rappela Maître Duhaume. L'expression particulièrement osée dans sa bouche fit sourire tout le monde. Ils arrivèrent rapidement au promontoire où s'était tenu Eleharil Morienval lors du dernier assaut. Son corps ne s'y trouvait plus. Inquiète, Siam tira son sabre, mais ce fut inutile. Partant de l'endroit où la sentinelle avait été abattue, une traînée sanglante conduisait à un gros rocher blanc, distant de quelques mètres. Eleharil Morienval y était adossée, toujours vivante. En les voyant, une grimace haineuse déforma ses traits. « Maudit !» jeta-t-elle. « Vous voilà libre !» En restant sur leur garde, ils s'approchèrent. La blessure que lui avait infligée Siam était affreuse, mais le pouvoir immense qui palpitait en elle l'avait maintenue en vie. Il se pouvait qu'il la sauve complètement. « Eléa, pourquoi toute cette folie ?» murmura Altan. « Pourquoi ce gâchis ? Tais-toi, tu me donnes envie de vomir avec ton air mièvre et tes paroles compatissantes !» cracha la sentinelle. Je voulais l'Empire. Je voulais l'utiliser pour des conquêtes sans précédent. Savez-vous, pauvre fou qui vous contentez de la médiocrité, que Gwendalavir n'est qu'une infime partie du monde où nous vivons. Des terres riches nous attendent de l'autre côté des montagnes, de l'autre côté de l'océan. Elles sont habitées, certaines même par des hommes. À la tête des armées impériales, je les aurais conquises. J'aurais été la plus grande. Éléar Ilmorienval se tut un instant, comme pour reprendre des forces. Ses yeux croisèrent ceux de Camille. Son regard se chargea de haine. « Tu as tout fait échouer, sale petite peste prétentieuse !» Altan, qui s'était agenouillé, se redressa. « Venez, » dit-il, « nous n'avons plus rien à faire ici. » Ses compagnons lui emboîtèrent le pas et ils s'éloignèrent sans se retourner. Un dernier cri retentit. « Je me vengerai! Tu paieras, Ewilan, pour ce que tu as fait !» Elicia s'arrêta. Ses tresses étaient tendues, ses mâchoires crispées. Dans un chointement feutré, elle tira une lame effilée d'un fourreau dissimulé contre son mollet. Une froide détermination figeait son visage. Elle faisait demi-tour lorsque Camille lui saisit le bras. « Où vas-tu ?» Elicia ne répondit pas. Sous ses doigts, Camille sentait des muscles que la résolution rendait aussi durs que l'acier. Siam s'interposa. Elle avait compris ce que venait de décider Elicia. Son code d'honneur la poussait à intervenir. « Vous ne pouvez pas faire ça !» s'exclama-t-elle. « Elle est mourante !»« Elle survivra si je ne la tue pas. » Elicia avait parlé d'une voix sans émotion. « Elle n'est plus dangereuse, ce serait un meurtre !» Lentement, Elicia se tourna vers la jeune frontalière, plongeant son regard dans le sien. « Tu es trop jeune, » dit-elle. Trop jeune pour savoir qu'une mère préfère mille fois être une meurtrière plutôt que de voir son enfant menacé par une folle sanguinaire. Un jour, tu comprendras. Pour l'heure, laisse-moi suivre mon chemin. » Il y avait tant de force dans la voix de la femme qui lui faisait face que Siam, malgré elle, s'écarta. À cet instant, tous ceux qui possédaient le don se tournèrent vers Éléar Ilmorienval. La sentinelle dessinait, utilisant ses dernières forces pour un pas sur le côté. Balbutia Camille. Mais Éléar Ilmorienval avait disparu, abandonnant derrière elle, comme une malédiction, une large tache écarlate sur le rocher blanc. Plus personne ne parlait. Seul le léger souffle du vent se faisait entendre, ponctué par le crissement de rares insectes invisibles. Elicia avait fermé les yeux. Elle ne les rouvrit qu'après une longue minute. « Le sort en est jeté, » murmura-t-elle. Nous nous reverrons, Éléa. » Puis, elle tourna ostensiblement le dos au rocher, barricadant ses inquiétudes dans un coin secret de son cœur. « Allons-y, » continua-t-elle d'une voix enjouée. « Nous avons rendez-vous avec la dame. »